ces vieux cabines de petite garde. Toujours au bout d'un dollar, puisqu'il vend, on l'arracha. Un coulable dans son beau-voir et compensa son engagement. On est disponible tout le temps. Il connut bien des réussites, criant la plume sur bien des titres, portant les idées d'un grand maître. Qui dans ses mots, qui dans ses lettres, toute sa vie mal à passer, prisonnier mal accompagné, dans ce trou bien enfermé, près de la gomme son ennemi juré. Mille fois cassé, mille fois jeté, le crayon récupéré, remâché, recyclé, terminant papier laissé. Malheureux, c'est mieux que la vie d'un petit crayon, d'un dinosaure ou d'un canard. Plus qu'un aimant dont la frotte on l'a plié sans pitié, dans le seul but de l'user sur des vulgaires du papier. Elle connut bien des réussites, corrigeant des phrases mal écrites, rendant notre monde bien meilleur en effaçant tant d'erreurs. Toute sa vie mal à passer, prisonnière mal accompagnée, dans ce trou bien enfermé, près du crayon. Juré une fois poli, anéanti, sur des mains croisées, pas que boucher, fut achevé, puis jeté dans le cuvette ou délaissé. Elle est immorale pour l'histoire, ce que partager, améliorer, emmerdé ou méprisé, tout fermé, une fois tiré. La chasse d'eau de TLC, la chasse d'eau de TLC, la chasse d'eau de TLC, la chasse d'eau de TLC.